بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فما زلنا مع كتاب الملخص الفقهي في باب في بيان صفة الوضوء، كتاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Et avant de commencer, tiens, je vais rectifier une erreur que j'ai faite la semaine passée au sujet de la traduction. J'avais dit que les oreilles c'est partie du visage. Non, c'est partie de la tête. Hein, donc dans le sens, parce que vous êtes tous sur les ablutions, alhamdulillah. Il ne faut pas hésiter à me le dire, hein, quand c'est comme ça, des erreurs grossières comme ça, on n'est pas à l'abri des erreurs. Hein. Hein, ça arrive à tout le monde, et à nous en particulier. Donc, Inch'Allah, donc, les disques obligatoires, donc, faites une fois que vous avez fait le visage avec la bouche et le nez. Hein, si vous faites les mains, c'est-à-dire du haut des doigts jusqu'au coude, et un peu plus. D'accord. Et c'est après avec ça qu'on prend une nouvelle eau et qu'on passe les mains sur la tête et les oreilles avec la même eau. D'accord ? Donc la rectification a été faite. Là, surtout n'hésitez pas à propager ça. Surtout ceux qui étaient absents et qui étaient là ce jour-là. Donc voilà, c'était un petit point de mise au point qui devait être fait. Hein. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة. الشيخ فوزان حفظه الله. Donc une fois qu'il a terminé de faire ses ablutions, hein, selon la description qu'on a mentionnée, il lève ses yeux vers le ciel et il dit des invocations. Hein, il dit des invocations à ce moment-là. ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc Cheikh Fouzan حفظ الله dit donc qu'il ramène une invocation qui peut être dite après les ablutions, et qui est donc أشهد أن لا إله إلا الله, c'est est-ce que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah sans aucun associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Allah fait de moi une personne qui se repent et une personne qui se purifie. Gloire et pureté et la louange est pour toi. Je n'atteste que nul est digne d'être adoré en dehors de toi. Je te demande pardon et je me repens à toi. Wa al-munasabah fi al-ityan bi hadha al-dhikri wa al-du'a ba'da al-wudu annahu lama kana al-wudu taharatan lil-dhahir ناسب ذكر طهارة الباطن. Et il dit pourquoi on dit cette invocation après les ablutions, c'est parce que c'est un moment qui est approprié, dans le sens où les ablutions c'est fait pour purifier l'aspect extérieur, les apparences, l'aspect extérieur, et cette invocation inchallah vient purifier l'aspect intérieur qui est en nous. بالتوحيد والتوبة. Et comment cela? Donc avec la pratique de l'unicité, التوحيد, et le repentir, en demandant de repentir. وهما أعظم المطهرات. Et ces choses-là, donc le repentir et le tawhid, ce sont les choses les plus purificatrices qui puissent exister. فإذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. Donc il dit si ces deux choses-là sont réunies, à savoir la purification intérieure et extérieure, donc intérieure extérieur avec les ablutions et intérieur avec le tawhid et la demande de pardon, le repentir, hein, dans ce cas-là on est apte entre guillemets à se présenter devant Allah, à se présenter devant lui donc, et à lui adresser ce que nous devons lui adresser. Voilà ba'sa an yunashif al-mutawaddi a'dha'ahu min ma'i al-wudu bi mas'ihi bi khilqatin wa nahliha. Ce projet Allah continue, il dit il n'y a pas de mal. Donc pour celui qui fait ses ablutions, après les avoir terminées, de s'essuyer, d'essuyer les membres, hein, de ses ablutions, dès qu'il a été touché par les ablutions, par l'eau des ablutions, hein, de l'essuyer avec une serviette ou ce genre de choses. ثم علم أيها المسلم أنه يجب إزبار الوضوء وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء. Dit Cheikh Fouzan, il dit sache, celui qui s'est soumis à Allah, il est obligatoire de parfaire ses ablutions. De parfaire ses ablutions. Et ça, c'est quoi? Ça correspond au fait de faire, de bien mouiller tous les membres, tous tous les membres qui sont concernés par les ablutions par l'eau. De faire, d'accord, de dépouiller tous les membres qui sont concernés par les ablutions avec de l'eau. Voilà, il y a donc une Hushayan Lamiasubulma, qui ne laisse aucun endroit de ses ablutions qui n'a pas été atteint par de l'eau. Qui ne laisse aucun endroit qui n'a pas été atteint par de l'eau. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ذفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait un homme qui avait laissé l'espace d'un ongle de son pied. Et quand il a vu ça, il lui a dit retourne et refais tes ablutions et fais-le de la bonne manière. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر درهم لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. Et selon les femmes, les épouses du prophète عليه الصلاة والسلام, le prophète صلى الله عليه وسلم, il y avait un homme prié et il y avait l'équivalent d'un dirham de ses pieds qui n'avait pas été atteint par l'eau. L'équivalent d'un dirham, une pièce d'un dirham qui n'avait pas été atteint par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu ça, il lui a ordonné de recommencer les ablutions et par la même occasion recommencer sa prière. Sa prière, bien évidemment, sans les ablutions, elle n'est pas valable. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, waylun lil aqabi min an-nar. Waylun lil aqabi min an-nar. Donc faites attention, c'est un grand péché ici qui est attaché à ça. Donc le fait de négliger surtout la partie antérieure des pieds, tu vois, c'est qu'il y a au niveau des chevilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit malheur à celui qui ne nettoie pas cette partie-là en particulier, donc c'est des chevilles qu'on néglige, que certains peuvent négliger, hein, car celui qui ne fait pas ça, cette partie-là fera partie du feu. Cette partie-là fera partie du feu. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْسُلُ التَّسَاهُلْ فِي تَعَوُدِهِمَا. Voilà pourquoi, comme je viens de dire, cette partie-là, beaucoup de personnes la négligent. Hein, ils font attention aux orteils, au haut du pied, etc. Et ils peuvent délaisser la partie antérieure, ce qui est à rapport à là, qui est proche de là du talon, la cheville, cette partie-là. D'accord ? Et donc il faut faire attention. Il faut que même cette partie, elle soit bien mouillée. فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا الْمَاءُ أَوْ تَبْقَى فِيهِمَا بَقِيَّةٌ لَا يَعْمُهَا الْمَاءُ. Donc ce soit même de façon partielle. Est-ce que vous nettoyez ça, mais vous délaissez une partie de cette partie antérieure ou une partie quelconque du pied, quelle qu'il soit. Hein ? Parce que là, c'est très dangereux. فَيُعَذَّبَتْ مِنْ دَارِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. Ça peut être une cause du châtiment par le feu à cause de ça. Le fait d'avoir délaissé une partie du pied, qu'elle soit petite ou grande, ça peut être une cause du châtiment par le feu. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُصْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres, hein, qu'une salat, la prière d'une personne, elle ne sera pas valable tant qu'il n'aura pas fait parfaitement ses ablutions comme Allah lui a ordonné. Donc il doit, il redonne la description des ablutions, donc il doit, c'était les piliers qu'on avait vus, donc laver son visage, ses mains jusqu'au coude. Et en plus, il frotte sa tête avec les mains mouillées et ses pieds jusqu'aux chevilles. ثم علم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء. Et sachez, au bout de Allah, que le fait de parfaire ses ablutions, ça ne signifie pas utiliser beaucoup d'eau. Ça ne signifie pas utiliser beaucoup d'eau. بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. Et c'est quoi la signification de parfaire ses ablutions? C'est le fait que tous les membres concernés par les ablutions soient atteints par l'eau. C'est ça, bien faire ses ablutions. Il faut que tous les membres concernés par les ablutions soient atteints par l'eau. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه. Donc le fait de utiliser beaucoup d'eau, extrêmement beaucoup d'eau, pour atteindre ce but-là, donc tous les membres de concernés par les ablutions, ça rentre dans le gaspillage qui est interdit. بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. Et c'est pas le fait d'utiliser beaucoup d'eau, c'est pas une raison sûre que vos ablutions seront valables. C'est pas parce qu'on a utilisé beaucoup d'eau que forcément les ablutions elles seront valables et qu'on se sera purifié. وإذا حصل إسباغ الوضوء مع قليل الماء فهذا هو المشروع. Et à l'inverse, donc si avec, vous arrivez à atteindre tous les membres concernés par les ablutions avec une quantité infime d'eau, le but est atteint et c'est ce qui est légiféré. Vos ablutions seront valables. Donc là, la référence, ce n'est pas le fait d'utiliser beaucoup d'eau ou pas, c'est le fait que tous les membres concernés par les ablutions, quels qu'ils soient, il faut qu'ils soient entièrement atteints par l'eau. فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. Il a été rapporté dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim, que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait les ablutions avec un mud. Un mud, c'est l'équivalent de deux mains réunies comme ça, un mud. Et il faisait ses grandes ablutions avec un sa. Un sa, je crois que c'est deux muds comme ça. Ça vérifie jusqu'à cinq. Jusqu'à 5 amdades, jusqu'à 5 poignées de comme ça. Il faisait des grandes ablutions avec 5 fois les mains réunies. Voilà. Wa naha sallallahu alayhi wa sallam an al-israfi fil ma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de gaspiller l'eau. Il nous a interdit de gaspiller l'eau. Faqad marra sallallahu alayhi wa sallam bi sa'di wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-sarf. Faqala a fil wudu israf? Faqala na'am wa law kunta ala nahja. رواه أحمد بن ماجة وله شواهد والصرف ضد القصد. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم une fois il est passé à côté de Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qui est en train de faire ses ablutions. Il lui a dit pourquoi utilises-tu autant d'eau, pourquoi gaspilles-tu autant d'eau. Le compagnon de répondre est-ce qu'il y a du gaspillage pour les ablutions, est-ce qu'il y a du gaspillage pour l'ablution. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit oui, même si tu étais à côté d'une rivière. Même si tu faisais des ablutions à côté d'une rivière. Et le hadith est rapporté par Ahmad ibn Majah. Et le fait de faire de gaspillage, c'est le contraire de l'économie. Le gaspillage, c'est le contraire de l'économie de l'eau. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور. وقال إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. D'accord, donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé qu'il y aura des gens dans notre communauté qui dépasseront les limites dans leur purification. Et il a dit, il y a certes dans les ablutions un shaitan qui s'appelle Al-Walahan. Il a dit faites donc attention, prenez garde de ces incitations contre le fait d'utiliser justement trop d'eau par exemple ou de mal faire vos ablutions à cause de lui. والصرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى. Donc le fait d'utiliser beaucoup d'eau, le gaspillage dans l'eau, dans le fait, en plus du fait qu'on gaspille de l'eau, ça amène cela d'autres effets néfastes, d'autres effets négatifs. منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعهد وصول الماء إلى أعضائه. Un des effets nuisibles que cela peut avoir, le fait que cette personne va se reposer sur le fait d'utiliser beaucoup d'eau. Elle va se contenter, ça va la rassurer, le fait qu'elle utilise beaucoup d'eau, sans se soucier de savoir si elle a vraiment bien atteint toutes les parties qu'il faut, le fait qu'elle ait utilisé beaucoup d'eau, ça la rassure, dans ce sens-là. فربما تبقى بقية لم يصلها الماء. Et il se peut, si elle a cette attention-là, cette personne va se soucier uniquement par la quantité d'eau qu'elle utilise. Il se peut qu'il y ait des parties de ses ablutions qui ne soient pas atteintes par l'eau. ولا يدري عنها إلا إن فوقهم صار فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. Alors quelqu'un dans ce cas-là, donc son eau ne sera pas complet. Et auquel cas il aura prié sans être purifié comme il se doit, sans être purifié. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة. فإذا الوضوء عبادة والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. Parmi les autres effets néfastes également, le peur de tomber dans l'exagération. Car les ablutions, ce sont une adoration. Et l'adoration, lorsqu'on y entre, on entre dans l'adoration, l'exagération, ça la rend mauvaise. ومنها أنه قد يحدث له الوساوس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء. Et parmi aussi les effets néfastes, hein, il peut que cette personne hein, se crée en elle des insufflations chétanes dans sa purification en raison hein, d'avoir utilisé beaucoup d'eau. والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. Et le bien, tout le bien est dans le suivi du prophète alayhi salatu wasalam, du messager alayhi salatu wasalam. Et les pires des choses sont les choses innovées, les innovations. Qu'Allah nous accorde le succès à ce qu'il aime et vers ce qu'il aime et agrée. فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع. Donc il est ton devoir, oh celui qui s'est soumis à Allah, il est ton devoir d'être assidu, hein, de faire en sorte de mettre tous les moyens en œuvre pour que tes ablutions et l'ensemble de tes adorations soient faites selon là, ce qui a été légiféré, selon ce qui a été légiféré par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. من غير إفراط ولا تفريط. من غير إفراط ولا تفريط. Donc sans exagération ni laxisme. Sans exagération ni laxisme. فكلا طرفي الأمور فكلا طرفي الأمور ذميم. Car ces deux choses-là, donc le laxisme et l'exagération, sont néfastes. C'est pas recommandé. C'est néfaste. C'est nuisible. وخير الأمور أوسطها. Et les meilleures des choses sont les choses médianes, les choses qui sont dans le juste milieu. والمتساهل في العبادة ينتقصها. Donc celui qui prend les adorations à la légère, il leur donne pas leur vraie valeur, il leur donne pas leur véritable valeur. والغالي يزيد في عليها ما ليس منها. Et à l'opposé du celui qui exagère dans ses adorations, il y rajoute dans ses adorations ce qui n'en fait pas partie. والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. Hein, et c'est la personne qui aura subi la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Hein, c'est celui-là qui aura donné à l'adoration son véritable haq, son véritable droit. اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. Donc Cheikh Fazel termine ce chapitre de la vocation en demandant à Allah qu'il nous montre la vérité et qu'il fasse que nous la suivions et qu'il nous montre le faux et qu'il fasse que nous en écartions et que ce chose-là ne soit pas cachée pour nous, que ce chose-là soit apparent pour nous, ou sinon nous risquerions de nous égarer. ثم باب جديد يقول شيخ فوزان رحمه الله باب في احكام المسح على الكفين وغيرهما من الحوائل. Donc un nouveau chapitre hein, qui s'intitule donc les chapitres sur les règles relatives au fait de passer les mains mouillées sur les sandales et autres qui entrent dans la même catégorie. Inna dinana dinu yusrin na dinu mashaqqatin wa haraj. Allah dit donc certes notre religion est une religion de facilité, c'est pas une religion de la difficulté. يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة. Donc cette règle, alhamdulillah, notre religion hein, de par sa facilité elle met toutes les choses à leur place et elle nous met à disposition des règles qui nous permettent d'enlever cette difficulté et de profiter d'un bienfait. ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضي حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه. Donc et il donne l'exemple ici, Cheikh Fazel Hafidhahullah, par exemple ce qu'Allah a légiféré en ce qui concerne les ablutions. Si une personne a sur les membres sur lesquels doivent passer ses ablutions, elle a un obstacle, entre guillemets, quelque chose qui s'intercale entre l'eau et la peau et qu'il est difficile d'enlever ou qu'on doit par nécessité le laisser. Imma li wiqayati rijlayni kal-khuffayni wa nahwihima aw li wiqayati ra'si kal-imama wa imma li wiqayati jarhin wa nahwihi kal-jabira wa nahwiha. Il y a des exemples, par exemple pour préserver hein, ces deux pieds, pour préserver ses deux pieds avec des sandales ou autres, ou pour préserver sa tête en mettant un turban, un imama, ou tout simplement si on a une blessure sur un des membres des ablutions. Auquel cas on mettra au-dessus un bandage ou un genre de choses, des bandages, des attelles, des sparadrap, ce genre de choses. فإن الشارع رخص للمتوضي أن يمسح على هذه الحوائط. Dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal nous a autorisé à passer avec des mamouniers sur ces obstacles, sur ces choses qui s'intercalent entre l'eau et la peau. ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها. Et il n'a pas besoin d'enlever ses chaussettes, ou d'enlever ses sandales, ou d'enlever ce sparadrap. Et ça nettoie ce qu'il y a en dessous. تخفيفاً منه سبحانه وتعالى على عباده والدفع عن الحرج عنها. Et ça c'est miséricorde d'Allah. Il nous a allégé ses adorations. Il nous a allégé ses adorations et qui nous a fait, et grâce à ce genre de facilité, il nous a fait repousser la difficulté. فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجولبين والاكتفاء به عن مسح الرجلين فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. Donc le prophète, le cheikh Fawzan Qubaydallah a dit, donc le fait de passer sur les mamouilles, avec les mamouillés, sur les sandales ou sur ce qu'il est qui peuvent les remplacer, comme les chaussettes, etc. Mais le fait de se contenter de passer sur ses chaussettes ou ses sandales au lieu de laver les pieds, et s'il dit ça, c'est rapporté dans la sunna de façon authentique et répandue. C'est très répandu et c'est authentique. Il a été rapporté donc plusieurs hadiths à ce sujet, dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça, qu'il était en voyage ou qu'il était résident. Et il a ordonné même d'utiliser cette autorisation. قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. الحسن رضي الله عنه rapporte que plus de 70 compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم lui ont rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم justement passait avec ses mamouniers sur ses sandales. وقال النووي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. Donc l'imam Nawawi rahmahullah il a été rapporté que le fait de passer avec les mamouillés sur les sandales par un nombre par un grand nombre parce que même une quantité innombrable de compagnons. وقال الإمام أحمد ليس بنفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول لي aucun mal moi avec le fait de passer avec les mains mouillées, le masque sur les sandales. Il y a à ce sujet 40 hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. الإمام المبارك وغيره et d'autres ont dit il n'y a pas dans le fait de passer avec les mains mouillées sur les sandales de divergence entre les compagnons. C'est un acte qui est autorisé. ونقل ابن المنذر وغيره واجمع العلماء على جوازه واتفق عليه اهل السنه والجماعه بخلاف المبتدعه الذين لا يرون جوازه. Donc il a rapporté, ابن المنذر, il a rapporté l'unanimité des savants à ce sujet, l'unanimité sur l'autorisation du masah à ce sujet, et que les gens de la sunna sont unanimes aussi également à ce sujet, donc à la différence des innovateurs qui ne voient pas l'autorisation du masah. À la différence des innovateurs qui ne voient pas l'autorisation du masque, comme les chiites par exemple. Les chiites qui ne voient pas l'autorisation du masque. وحكم المسح على الخفين أنه رخصة فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين. Et donc la règle du masque sur les sandales, donc le fait de passer les mains mouillées sur les sandales, c'est une autorisation, c'est une permission. Et le fait de le faire, c'est même meilleur que d'enlever ses sandales ou ses chaussettes pour laver ses pieds. Lorsque, il faut chérir à des conditions, mais c'est meilleur de passer les mains sur les chaussettes ou les sandales que de les enlever et laver ses pieds. أخذاً برخصة الله عز وجل وقداءاً بالنبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que quand vous faites cela, vous utilisez l'autorisation qu'Allah vous a prescrite. Allah vous a prescrit cette autorisation, vous en servez. Et en prenant exemple aussi sur le messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام, ومخالفة للمبتدع. Et vous divergez, hein, quand vous faites ça, vous faites pas comme font les innovateurs qui ne le font pas. والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح. Donc le fait de passer les mains mouillées sur les sandales ou les chaussettes, donc ça enlève l'impureté qui est en dessous de la chose sur laquelle vous avez passé vos mains mouillées. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, entre guillemets, il prenait la facilité, il regardait dans quel état étaient ses deux pieds. بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين فلا يشرع لي لبس الخف ليمسح عليه. Donc voilà, le professeur Hassan faisait comme ça, non? Lorsque ses pieds étaient couverts par des sandales ou des chaussettes, ou quelle que soit la chose qui couvert ses pieds, il passait ses mains mouillées dessus. Pas comme beaucoup font aujourd'hui, ils peuvent faire le masque, je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude où ils n'ont pas pris ça. Malgré ça, ils enlèvent la chaussure, ils enlèvent la chaussette, même en hiver, le matin, tout ça, alors qu'ils peuvent faire le masque. Il y a des conditions, on les verra par la suite. Hein. Le professeur Salam, quand il voyait quand ses pieds étaient couverts, alayhi salatu wassalam, par une sandale, il faisait le masque. Et quand ils étaient découverts, ses pieds, là, à ce moment-là, il les lavait. Quand ses pieds étaient découverts, il les lavait. Donc lorsqu'ils sont découverts les pieds, hein, il faut les laver. Il dit, Cheikh Fawzan Rahimahullah, il n'est pas autorisé de volontairement mettre ses sandales pour pouvoir faire le masque dessus, une fois que ses pieds sont découverts. Donc la durée de validité du masque, donc le fait de passer les mains mouillées. Je veux dire, masque à chaque fois, ça, je sais que c'est clair, mais quand je dis masque, c'est le fait de passer les mains mouillées sur la sandale. Ça va rester du temps. Donc, la durée de validité du masque sur les sandales, pour celui qui est résident et pour celui dont le voyage ne l'autorise pas de raccourcir ses prières, hein, la durée de validité, c'est un jour et une nuit, 24 heures. Un jour et une nuit. La journée et la nuit. وَبِنِسْبَ لِلْمُسَافِرِ سَفَرَ الْمُبِيحُ الْقَصْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِهَا. Donc par contre, pour le voyageur, donc, hein, d'un voyage pendant lequel il est autorisé de raccourcir ses prières, pour lui, le mas, il sera valable 3 jours. 3 jours complets. Hein, 3 jours complets. لِمَا رَوَى الْمُسْلِمُونَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِهِنْ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. Hein, sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui était rapporté dans Muslim, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc pour le voyageur, hein, le masque est valable 3 jours complets, et pour le résident, un jour complet. وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي الْحَالَتَيْنِ يَكُونُ مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ النَّفْسِ. Et quand est-ce que commence cette durée? Le cher cousin il dit ça, hein, c'est son avis. Quand est-ce que commence cette durée? Cette durée du masque, elle commence après avoir perdu ses ablutions, hein, au moment d'avoir perdu ses ablutions, après avoir mis ses sandales. Donc vous avez mis vos sandales, vous avez fait le mess. D'accord? Vous avez fait le mess. Par exemple, vous perdez les ablutions 3 heures après. D'accord? Vous refaites vos ablutions à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la durée du mess, elle commence. D'accord? C'est pas une fois avoir fait le mess. C'est pas vous avez fait le mess. Donc à ce moment-là, j'ai un jour. D'après Cheikh Fawzan, hein? Par exemple, vous avez fait les ablutions, normal, vous avez fait le mess. Et 6 heures après, par exemple, seulement, vous perdez les ablutions. C'est à ce moment-là que vous avez un jour pour faire le masque pour les résidents et 3 jours pour le voyageur. فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ أَوَّلِ جَوَازِ الْمَسْحِ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ يَكُونُ مِنَ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc certains savants voient que c'est يَكُونُ مِنَ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ. Donc c'est une fois dès qu'on a fait le masque, c'est à partir de ce moment-là que la journée commence. Le jour commence. Une fois qu'on a fait le mess, c'est à partir de ce moment-là, même si on n'a pas perdu les ablutions. Et d'autres, notamment chers voisins, disent que non. Vous faites le mess, c'est une fois que vous avez perdu les ablutions, c'est à ce moment-là, vous refaites le mess à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que vous avez un jour pour le résident et trois jours pour le voyageur. Est-ce que c'est clair? Par contre, il y a des conditions. Il y a des conditions pour faire le mess. Hein, on ne fait pas du mess comme on veut. Bien, d'accord. Shurut al-messi ala al-kufayn wa nahwihima. Donc, je faisais maintenant un nouveau titre. Donc, les conditions pour pouvoir justement faire le mess sur les sandales et ce qui peut remplacer les sandales. Awalan, yushtaratu lil-messi ala al-kufayn wa ma yaqumu maqamahuma min al-jawra wa nahwiha an yakun al-insan hal nafsihima ala al-tahara min al-hadath. Voilà. Première condition qui est très importante, Cheikh Fawzan dit, il est donc, c'est une condition pour celui qui veut faire le mess sur les sandales ou ce qui les remplace, comme les chaussettes et autres, hein, il faut avoir été entré dans ces sandales-là ou dans ces chaussettes en état de pureté. D'accord ? Une personne le matin qui se lève, qui a dormi, qui n'a pas fait le dos, qui met ses chaussettes, elle n'est pas rentrée en état de pureté dans ses chaussettes. D'accord ? La soirée, elle ne peut pas faire le mess. Non, une des conditions, il faut avoir été entré en état de pureté dans vos chaussettes ou vos sandales. Voilà, vous êtes le matin, vous vous levez, vous faites vos ablutions, vous êtes en état de pureté. À ce moment-là, vous mettez vos sandales ou vos chaussettes, vous n'avez pas perdu vos ablutions. Là, vous êtes rentré en état de pureté dans vos chaussettes et sandales. Parce qu'à ce moment-là, là, vous pouvez faire le mess dessus. Hein, j'espère que c'est clair. لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. Donc, et c'est quoi? Et la preuve, c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام quand il a vu une personne enlever ses فإني أدخلتهما طاهرتين. Quand il a vu une personne vouloir enlever ses chaussures pour faire ses ablutions, laver ses pieds avec de l'eau, il lui a dit laisse-les car je suis rentré dedans, hein, en état de pureté. Tu es rentré dedans en état de pureté. Wa hadith amarana an namsah ala al-khufayn idha nahnu adkhalnahuma ala al-tahari. Et notre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, le prophète nous a ordonné de faire le mess sur les sandales à condition d'être entré dans ces sandales en état de pureté. وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجزي المسح عليهما. Voilà. Donc le Cheikh Fawzan Hafidhullah a dit, voilà, donc ça c'est clair, les preuves sont claires que le fait d'entrer en état de pureté dans ses sandales ou ses chaussons ou ses sandales ou ses chaussettes pour pouvoir faire le mess, c'est une condition obligatoire. C'est une condition obligatoire. Hein? Auquel cas, et si il est entré en état d'impureté dans ses chaussons ou dans ses sandales ou autre, dans ce cas-là, là, il dit c'est pas autorisé. Là, il dit un mesr alayhima. D'accord ? Donc, la première condition, être entré en état de pureté dans ses khoufs, dans ses sandales ou ses chaussettes. Thaniyan, deuxième condition, wa yushtaratu an yakuna al-khuffu wa nahuhu mubahan. فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لا يجزي المسح عليه لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. Hein, deuxième condition, Cheikh Fawzan Hafidhullah, il dit que les sandales que vous avez sur vous ou les chaussettes ou la chaussure sur laquelle vous allez faire le mess, il faut qu'elles soient halal, pour qu'elles soient permises, autorisées. Il ne faut pas que ce soit des choses qui ont été volées, hein, ou qui soient à base de soie pour les hommes. Soit à l'interdit pour les hommes, hein, qu'il soit à base de soie pour les hommes, car dans ce cas-là, il n'est pas autorisé de passer sur ces sandales. Hein, si ce sont des sandales volées ou qui sont constituées de soie pour les hommes, hein, donc on n'est pas autorisé de faire le mess dessus, car on ne peut pas utiliser l'autorisation d'Allah avec des choses qui sont haram, qui sont interdites. ثالثا ويشترط ان يكون الخف ونحوه ساترا للرجل. Donc il dit, Cheikh Fawzan, il faut aussi que la sandale elle recouvre bien le pied. فلا يمسح عليه اذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله. Il dit, Cheikh Fawzan, c'est pas autorisé de faire le mess sur des sandales qui ne sont pas assez longues, par exemple, qui ne sont pas assez longues en hauteur, ou qui ne couvrent pas suffisamment ce qui est obligatoire d'être lavé normalement. بأن كان نازلاً عن الكعب أو كان ضافياً لكنه لا يسر الرجل. Un exemple, par exemple, et ben il est nazlan al kaab. Donc il est en dessous, par exemple, la chaussure, la sandale, la chaussette, elle est juste en dessous de la cheville, par exemple. On voit souvent maintenant des chaussettes qui sont plates, la presse, vous voyez, je vois. Socket, c'est ça? Il faut que ce soit en dessous de la cheville. Ça soit en dessous de la cheville. Tu vois, il y en a qui sont des sockets là, faire attention. Voilà, ça rentre dedans, par exemple, ça rentre en dessous des chevilles. Donc il ne faut pas que ce soit en dessous des chevilles. Et il ne faut pas non plus que ça ne couvre pas le pied. Par exemple, il y a une moitié qui est découverte, ou quelque chose comme ça. Ça existe, une chaussure comme ça. Il ne faut pas que ça couvre le ou les claquettes, tout simplement, qui ne couvrent pas tout le pied. Les safars, ils disent, ok, pas dit. Car, Jawara, il y a des safars, je vous donne des exemples aussi, sur le voisin, comme des chaussettes qui sont extrêmement minces. On voit à travers, on ne cache même pas le pied, on voit à travers. Les chaussettes qui sont extrêmement minces. فَلَا يَمْسُحْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ لِعَلَمِ سِفْرِهِ. Donc, il dit sur le voisin, il ne faut pas, dans ce cas-là, faire le mess sur ces choses-là, car elles ne couvrent pas les parties qu'il faut nettoyer, comme il se doit. Ou ne les couvrent pas du tout. وَيَمْسَحُ عَلَى مَا يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَيْنِ فَيَجُزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ السَّفِيرِ الَّذِي يَسْرُ رِجْلَ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ. Sur Fawzan, Ahmedallah l'a dit, et il peut aussi faire le mess sur des autres choses que les sandales, des choses qui peuvent remplacer les sandales, donc comme les chaussettes épaisses, par exemple, qui recouvrent bien le pied, qui sont en fait de laine ou autre. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, massaha ala al-jawrabayn wa al-na'lin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était rapporté à l'islam sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait le mess sur les chaussettes et aussi sur les chaussures. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة. D'accord. Et le masque peut donc le faire jusqu'à la fin du temps qui est légiféré pour le faire. Donc ça va un jour pour le résident et trois jours pour le voyageur. دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه ولا تأثر الاتكار لخلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. Voilà, sur le faisait, il dit, il n'y a pas de mal, il ne faut pas. Si vous avez passé sur les chaussettes, la première couche, on va dire, par exemple, si vous mettez comme nous, on met les chaussettes et les chaussures en général, parce qu'on ne peut pas les deux. Si vous avez passé donc le masque sur les chaussettes, car quand vous mettez les chaussures, vous mettez des bottes, que vous voulez, il n'y a pas de mal à les enlever, ces chaussettes qui sont au-dessus des chaussettes. Il n'y a pas de mal à les enlever, les chaussures, les bottes, pour pouvoir refaire le masque, mais sur les chaussettes. D'accord ? À condition d'avoir fait le masque sur les chaussettes. ويجوز المسح على العمامة ويجوز يفصل أن التطيقلا ويجوز المسح على العمامة بشرطين. فوزنا عبد الله دي. Donc il est autorisé de faire le masque, parce que ça ne concerne pas trop, mais on ne sait jamais, de faire le masque sur les turbans, les imams, sur les turbans, à deux conditions. أحدهما تكون ساترة لما لم يجري العادة بكشفه من الرأس. Donc si on n'est pas trop concerné ici, mais on va en parler quand même. Alhamdulillah. Donc il faut que cette imama, ce turban, il faut qu'il couvre les parties qui par habitude ne soient pas découvertes. Les parties de la tête qui par habitude ne soient pas découvertes. Si on est chassé, c'est bien. Mais il y a des pays où c'est des baignoires, par exemple, dans le Sahara, vous avez vu, ils mettent des turbans, etc. Ou dans l'Arabie, ils mettent des chimars et ce genre de choses. Parce qu'ils ont, eux, ils ont cette hada de ne pas découvrir la partie de leur tête. Pour eux, c'est leurs habitudes. Nous, on l'a moins. Donc, si c'est une condition, donc il faut que cette imama, ce turban, il faut qu'il recouvre les parties qui ne doivent pas, par habitude, être découvertes. À chaque fois, la deuxième condition, elle est que l'imama est muhannakatan, wa hiya allati yudar minha tahta al-hanaf dawrun fa akthar. Il faut aussi que cette imama, ce turban, donc il descende plus bas que le niveau du cou. Vous voyez, derrière, il descend. Pas que ça reste juste ici, par exemple. Il faut que ça descende. Ça descende. Et qu'on fasse aussi qu'on peut faire avec plusieurs tours. Qu'on peut faire avec plusieurs tours. Ou takuna dhu'aba. Ou qui peut avoir, vous voyez, celle qui pend derrière, qui tombe bas en fait. Donc vous avez plusieurs tours là, et qui descendent, qui font comme une queue de cheval dans le dos. Wa hiya allati yulkha tafuha min al-khaf. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, dans celle qui descend bien en dessous du cou, dans le dos. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة. وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة من لم يطهره المسح على العمامة فلا تهر فلا تهره الله. Donc il a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il passait les mains mouillées sur le masque sur son turban. Ça a été rapporté dans beaucoup de hadiths qui ont été rapportés par plusieurs imams. Et Omar a dit: celui donc qui ne purifie pas, entre guillemets, qui ne passe pas ses mains sur son imama, son turban, que qu'Allah qui fait le dua, qu'Allah ne le purifie pas. وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. Voilà, ça c'est important aussi. Donc il dit, il est autorisé de faire le masque sur les sandales et les chaussettes et les turbans et autres, hein, mais en ce qui concerne les ablutions mineures, les impuretés mineures, pardon. Hein, en ce qui concerne les impuretés mineures, les petites impuretés. Par contre, pour les grandes impuretés, Janaba par exemple, on ne peut pas faire le masque sur ces choses-là, sur les turbans ni sur les sandales. L'obligatoire de laver ce qui est en dessous de ces choses qui sont cachées, justement, soit par les sandales, soit par le turban. D'accord ? Donc, j'ai de passer de l'eau, s'agissant des grandes ablutions, des impuretés majeures, il est obligatoire de passer de l'eau sur tous les membres. D'accord ? On ne peut pas faire le masque dans les grandes ablutions. Pour les grandes ablutions. ويمسح على الجبيرة وهي الأعواد ونحوها تربة على الكسر ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروع كل هذه الأشياء يمسح عليها. Donc il dit ça, chers voisins, donc toutes ces choses là, hein, sur les bandeaux, sur les plâtres, les sparadraps, ce genre de choses qui couvrent, qui peuvent couvrir un membre cassé, hein, comme un bras cassé par exemple, ou qui peuvent courir, qui peuvent suite à une blessure, toutes ces choses-là, donc on peut passer, faire le mess dessus. Toutes ces choses-là, on peut faire le mess dessus. Bishartin, elle takuna ala qadri al-haja. Voilà. Pourquoi ? Dans ça, c'est posé précis, il dit à condition que ces choses-là, donc, ont été mises pour une raison particulière, donc une blessure, ou un bras cassé, ou autre. Donc, il ne faut pas que ce soit, ces choses-là aient été mises de façon exagérée. En sens, si vous avez une petite blessure comme ça de 1 cm, vous pouvez mettre un bandeau de 30 cm et passer dessus. Non, on doit juste mettre, hein, l'endroit, on doit juste recouvrir l'endroit qui est concerné par la blessure ou par le bras cassé. On doit juste mettre ce qu'il faut pour couvrir ce qui doit être couvert, sans plus, sans rajouter, sans mettre au moins. بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه. Voilà. Il ne faut pas rajouter, il faut juste mettre ce qu'il faut pour que ce sparadrap ou ce bandeau, hein, fasse ce pour quoi il a été utilisé. Il, hein, ne faut pas utiliser plus qu'il ne faut. Juste ce qu'il faut pour couvrir la blessure concernée. فَإِنَّ تَجَوَزَ قَدْرَ الْحَاجَ لَزِمَهُ نَجْعُ مَا زَدَ عَنِ الْحَاجَ. Et Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, a dit, donc si vous faites. Si vous mettez plus qu'il ne faut sur la blessure, il est de votre devoir d'enlever ce qui est de trop. Il est de votre devoir d'enlever ce qui est de trop, hein, comme bandeau ou comme bandage ou comme sparadrap ou autre. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوهما في الحدث الأصغر والأكبر. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر. On a vu que c'était pour les turbans. Pour les turbans, c'était interdit. Il dit par contre pour ces choses-là, pour ces sparadraps, pour les plâtres, etc., même pour les grandes ablutions, même pour les impuretés majeures, vous avez le droit de passer les mains mouillées dessus. Hein, que ce soit les impuretés mineures ou majeures, hein, tout ce qui concerne, donc je veux dire les sparadraps, les bandeaux, les choses qu'on a mis pour une raison, hein, d'accord ? À la différence du turban, hein, vous avez vu les turbans, on a dit que c'était interdit, obligatoire d'enlever pour les grandes ablutions, surtout en particulier. Il est obligatoire d'enlever. Par contre, tout ce qui se parle de ce genre de choses, même pour les grandes ablutions, vous avez le droit de passer dessus avec les mains mouillées. وليس للمسح عليها وقت محدد. Voilà. Et le mess, sur ce bandeau ou ce plat, il n'y a pas de temps délimité. Tant que vous le lavez, hein, si vous avez un plat de 3 semaines par exemple, tant que vous le lavez, vous faites le masque dessus. Entre les grandes ablutions et les ablutions, il n'y a pas de problème. D'accord ? بل يمسح عليها الى نزعها او بطن ما تحتها d'accord donc il peut faire le masque dessus jusqu'à ce qu'il l'enlève ou jusqu'à ce que ce qui est en dessous de cette chose soit guéri لان مسحها لاجل الضروره اليها لان مسحها لاجل الضروره اليها pourquoi parce que c'est obligatoire vous n'avez pas le choix c'est pas il n'a pas mis volontairement ses plâtres il ne s'est pas blessé volontairement donc ces choses qui couvrent ses plâtres et ses blessures donc c'est obligatoire. Hein, c'est pour ça qu'il est autorisé de passer le démamouillé dessus et indépendamment du temps. Indépendamment du temps. Donc cette chose-là, c'est en fonction de l'obligation. Hein, c'est vous qui, si vous voyez, si vous devez porter ce plat 3 semaines, place. En 3 semaines, vous avez le droit de passer sur dessus ou autre. Inch'Allah, nakhtafi bidhalik wa bihadhihi al-qadri kifaya wa jazakum Allah khairan li husni istima'ikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والى الدرس القادم يوم السبت ان شاء الله toujours merci pour votre écoute votre patience et inchallah pour le dars prochain samedi 45 minutes avant العشاء في الاصول 3 بارك الله فيكم